même. Le regard fixé sur le fond. Un cercueil qui grasse sur ses gonds. Ce carbone-là est si morbide que la lumière n'y entre pas, elle est si vide. Tout grouille en deçà du dessus. Se plaît à contempler la mort. Oui, tu mourras, c'est inscrit, il l'a lu. Ce sont pas des poumons qui lui donneront tort. Pourquoi rester alors dans un lieu condamné? C'est parce qu'en attendant l'éclat de mort, là sont les rires des mouvements filtrés. Déchire le temps. Thank you.